maintenant. Tout ce que tu vas entendre est complètement nouveau et totalement inédit. Pour avoir reçu la totalité des artistes de la scène urbaine, Planet Rap. Elle est devenue l'émission rap de référence. Let's go. Ce soir et toute cette semaine, Skyrock reçoit Cindy. En direct et pendant une heure complète. Planet Rap Cindy, c'est maintenant sur Skyrock. Et c'est parti pour une nouvelle soirée avec Cindy. Bonsoir. Bonsoir Cindy, comment ça va? Ça va, merci, et toi? Selfie approche, c'est vendredi la sortie. C'est vendredi. Je le rappelle. J-3. Exactement. Tu fais partie de ces artistes qui vont inaugurer vendredi une sortie désormais harmonisée avec le monde entier. Tous les vendredis, ce sera les sorties. Les vendredis maintenant, les sorties d'albums, c'est le vendredi. Et donc toi, ça arrive. C'est ça. Selfie. Et je fais partie des premières sorties de vendredi en France. J'espère que tu as fait un vœu. Oui. Tu peux toujours faire des vœux pour les prochains. Toujours. Ça y est, tu l'as en tête? Je suis en train de réfléchir, mais je... T'inquiète, je vais le trouver. Mon album cartonne. Tiens, dites-nous aussi, pour l'instant, de ce que vous avez entendu de Cindy avec le hashtag Cindy sur Skyrock. Ouais. Balancez juste vos messages, vas-y. Moi, je te coupe la parole. Rappelez qu'il y a aussi un concours Skyrock, selfie. Justement, pour selfie. Donc, est-ce que tu peux me rappeler le snap de Skyrock, s'il te plaît? Eh bien, bien sûr. Je vais te le donner. Donc, voilà. C'est Skyrock officiel, si je dis pas de conneries. Skyrock FM. Je vous invite à envoyer tous vos selfies et les plus déjantés remporteront mon album dédicacé. Et le tirage de sort se fera vendredi, donc n'oubliez pas. Et pour ce soir, n'hésitez pas à tweeter sur hashtag Cindy sur Skyrock. Donc voilà, j'irai regarder après pour vous répondre et vous follow. Très exactement, Skyrock. Et voilà. Avec le tiré du bas. FM. D'accord, Skyrock, tiré du bas, FM. FM. Voilà, c'est le snap officiel. Okay, c'est le snap officiel. Donc Skyrock-du-bas FM. Allez-y, on attend. Bombardé de selfies. Avec une petite mise en scène quand même, un petit truc. Ouais, faites des trucs originaux. Tiens, dernier selfie de la journée, c'était quoi pour l'instant, Cindy? Attends, ah, mais t'en fais tellement en même temps. Ouais, non, mais pour de vrai, j'en fais tellement. Mais en fait, je crois qu'aujourd'hui, j'ai voulu en faire un, mais j'avais pas une tête à selfie. Ça arrive. Donc, c'est des choses qui arrivent, ouais. Du coup, dernier selfie de mon téléphone, bah, c'est le selfie d'hier soir. Ah bah. Avec Sultan et. J'ai trop bossé. T'as fait quoi? Aujourd'hui, on avait un shooting pour un magazine et le Planet Rap. Et bah, le Planet Rap, c'est parti. Donc, exactement. On va peut-être faire des selfies aussi pendant le Planet Rap. Hein. C'est sûr. On va les balancer. Vous aussi, vous les balancez. Et puis, on débute comme chaque soir avant de vous raconter ce qui se passe ce soir avec le morceau S'envoler. Exactement. Allez, S'envoler. Deuxième single disponible depuis hier. N'hésitez pas à aller le chercher. Et voilà quoi. Allez, cliquez et retrouvez Cindy sur ce morceau S'envoler tout de suite. Passé ressurgit et tous ses démons lui reviennent. Ils ont brûlé ses chances au lieu de prendre soin d'elle. que ça passera. Et parfois, petite, elle se revoit. Elle aimerait se dire que ça passera. Être libre, juste s'oublier. Aller chercher l'amour caché et vivre. Laisser le passé avec sa douleur quelques heures. S'envoler. De retour c'est sur Skyrock. Je te remplace ou quoi? Ouais, tu pouvais. D'accord. Avec travers. Cindy, notre invitée toute la semaine entre 20 et 21, je disais le programme c'est de ça. Ce soir. Et bah, ce soir, donc, on aura Big Flo au téléphone. Mais c'est même pas on aura. Il suffit que tu dises allô. Allô? Allô, allô? Ouais, ça va? Et tu dis qu'on rêve. Mais ça vaut la peine. Comment ça va? Les frangins, comment ça va? Ça va cool, on est à Marseille là. Vous continuez votre tournée incroyable? Ouais, on fait la petite tournée avec Red Bull là. Putain, il y avait du monde. Hein. Et moi, j'ai vu des images à Toulouse. Ouais. Toulouse, ouais, je vous aime là-bas. J'ai vu des images de dingue à Bordeaux en pleine canicule. Ouais. On a fait Lyon aussi. C'était le bordel. C'est un plaisir total. Et ouais, à chaque fois, il y a des petites images si vous suivez Big Flo et Oli de leur périple. C'est ça. Mais de toute façon, ils sont comme moi sur tous les réseaux. Donc voilà. Ouais, c'est la première fois qu'on a Cindy au téléphone. C'est en direct sur Sky, quoi. Ouais. Et en fait, on discutait tout le temps, mais genre sur Twitter, en DM. J'avais demandé pourquoi passer un coup de fil à Big Flo et Oli. Bah parce que, en fait. Hormis qu'ils sont très sympas. Je fais partie, en fait, de ces gens qui disent quand ils aiment bien ce qui se passe, tu vois. Et j'ai acheté leur album dès qu'il est sorti, puisque j'avais kiffé déjà les autres extraits. Et pour moi, c'est un bête d'album, vraiment. Donc, une fois que vous aurez acheté Selfie, vous avez le droit d'aller chercher la cour des grands. Mais pas avant. Selfie d'abord. Bon, en même temps, c'est bien parti pour les. Ça se passe bien, quand même, les gars, pour la cour des grands. Ça se passe bien, je suis contente pour eux, vraiment. Ouais. Tout va bien, tout va très bien. Nous aussi on est ravis parce que voilà, c'est un bel album, c'est une bonne vibe qu'ils apportent. Exactement, c'est différent. J'en profite pour souhaiter un bon anniversaire à Cindy et à Fred. Merci, c'est vrai qu'on est du mois de juillet tous les deux. Ouais, pareil. Je m'en rappelais pas. Bah, merci les gars de nous avoir rappelé tout ça. Yes, mais gros big up Cindy, en tout cas moi, nous on a le bien 100%, c'est la jeunesse. C'est exactement. Très bien, merci, t'es motivé. Beaucoup. Merci. Ça aime la scène, donc nous on est à fond derrière. Allez soutenir Selfie dans les bacs. Merci beaucoup et vous continuez bientôt, ce que vous là. Faites. Et alors, ouais, ça sort vendredi. Ça sort vendredi parce que maintenant les sorties, les gars, vous le savez, c'est le vendredi maintenant les sorties. Ah ouais, c'est officiel. Ah ouais, ça a changé. À partir du balade cette semaine, le prochain album de Big Flo Oli sortira vendredi. Cindy, on t'enverra notre petit selfie avec Selfie. Ça marche, compte sur vous. Attention, vous l'avez dit en direct à la radio, donc vous êtes obligé. Piégé, ouais. Ça marche. Bon, merci d'avoir été avec merci nous, les gars. Merci beaucoup, les gars. On vous retrouve, Cindy, alors. Prochaine tournée, c'est quoi? Il y a Marseille. Demain, on est à Montpellier. On débarque à Montpellier demain. Donc, demain, c'est lourd, ça. À 16h30. Et c'est la dernière, ça y est. On est un peu triste déjà. On avait pris nos habitudes. Et tout l'été, sur les routes, un peu partout en France, en Belgique, partout en festival. Et à la rentrée, nouveau clip qui arrive et tout ça. Enfin, c'est pas fini. Vous n'avez pas fini d'entendre parler de Big Flo et Oli, je pense. Non, ça, je crois. On espère. Je vous souhaite que du bonheur, les gars. Profitez bien de tout ce qui se passe. Merci beaucoup du soutien et on est ensemble. Merci à toi, gros bisous. Bisous. Merci au Big Flo Oli. Donc demain, allez faire un tour, il y a une bonne ambiance en plus. Ils offrent des concerts comme ça un peu partout. Ouais. Et demain, c'est du côté de Montpellier à 16h30 pour retrouver Big Flo Oli et leur album La Cour des Grands, toujours, qu'on avait en ligne. Donc c'est Big Flo Oli, ça y est, c'est fait. On l'a fait. Et en fait, il y a Laouni qui va arriver. Laouni, c'est la fouine. Mais oui, la fouine. Bien sûr. Mais vous connaissez Paris et ses embouteillages. Et vous connaissez peut-être aussi la fouine et ses. et ses horaires. Oui, aussi, mais comme je suis gentille, j'ai pas envie de le mettre dans l'embarras, donc c'est à cause des embouteillages. Vraiment. Vous vous rendez compte? T'es très sympa, quand ouais, même. Ouais, je suis gentille. Je suis gentille. Il n'y a aucune méchanceté. En studio aussi, parfois, tu peux être. Non, même pas. Rue mais c'est terrible. Plus avec. Quand on était ensemble dans la team BS, c'était plus avec Fababi que. C'était gentil, mais on se piquait un peu, tu vois. Mais c'était toujours gentil. T'as gardé contact un peu avec tout le monde sur le tout temps, on l'a vu. Fababi, j'aimerais nous rendre visite aussi dans la semaine. Très bien, on le retrouvera aussi cette semaine entre 20 Exactement. Et 21. Et puis à découvrir donc cet album qui sort vendredi. L'album de Cindy, on écoute un morceau. Allez, c'est parti, on se met. Comme tu veux, il y a sans rancune, j'ai aïe aïe aïe. On se met aïe aïe aïe. Parmi la liste des sons, j'ai aussi à définir. Donc oui, à définir. Donc ce sera l'inédit de tout à l'heure. À définir, donc un morceau à définir tout à l'heure, un titre inédit. On part sur quoi alors? Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, c'est parti. Un petit mot dessus, comment il est né celui-ci? Celui-ci est né en studio, bah, ça c'est logique Cindy, bravo, tu es très perspicace ce soir. Non, tu peux décrire, je sais pas, dans une chambre d'hôtel. Il est né en studio, c'est Nazim qui a fait la prod et qui l'a écrit. Et en fait j'avais envie de dire aux garçons et aux filles, parce que souvent les filles quand il y a des ruptures elles sont grave tristes, tu vois. Et moi je voulais exposer mon point de vue où à un moment arrête d'être triste et fous-toi un petit peu de, tu vois, de lui. Et voilà, c'est de l'autodérision. C'est toi? Mais ouais, c'est moi, vraiment. Ça, c'est moi. Je suis complètement comme ça. T'es pareil. Oui, et comme beaucoup de filles, mais j'avais envie de mettre ce côté de la rupture en avant. Ouais, parce que c'est ça aussi l'album Selfie, ce qu'il faut dire, c'est voilà, c'est aussi les états d'âme, les bons, ça, les mauvais moments. Exactement, ce que tu ressens le quotidien, ce qui se passe dans ta vie et dans la vie des autres. Mmh. Donc voilà. Ta vie aussi, parce que tu délivres aussi un petit peu certaines choses, même si c'est. Oui, mais c'est caché. Voilà, même s'il faut chercher un petit peu dans les morceaux, mais c'est vrai que tu racontes un peu ton histoire. Je raconte mon histoire, ouais. Qui n'a pas été tout le temps simple. Non, pas toujours. C'est pas toujours simple. Pas toujours. Mais qu'on peut comprendre un petit peu entre les lignes sur cet album. Exactement, exactement. Si on écoute bien les titres, on comprend ce que j'ai pu vivre et ce qui m'est arrivé. Mais voilà, aujourd'hui, je suis là et tout va bien et je crois que Laouni est derrière. Quelle entrée fracassante, j'ai envie de dire. Tu arrives pile poil pour le morceau. Bah tiens, installe-toi, on met aïe aïe aïe. C'est parti, on s'envoie aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Disponible vendredi. Et après, l'arrivée en direct de monsieur Lafouine, Laouni. Monsieur Lafouine. C'est parti. Avec elle main dans la main, tu te promènes sans complexe. Et quand tu croises mon chemin, tu la lâches comme un réflexe. Je vais tout t'expliquer. T'as toujours une bonne excuse, ouais. Tu serais même prêt à pleurer pour ne pas que je t'accuse. Pas la peine de crier. Tu t'es fait griller. T'as voulu jouer, mais je suis plus forte que toi. Aïe, aïe, aïe. Tu les voulais toutes. Au final, tu cours, mais y'a plus personne. Aïe, aïe, aïe. Je n'ai plus de doute. Il n'est plus question que je te pardonne. Chacun sa route, ce n'est plus la peine que tu me klaxonnes. Bye bye bye, ton cœur je le shoote. Tu crois que j'ai mal, mais je pète la forme. Tu m'as sorti le grand jeu, tu me promets que tu m'aimes. Me mentir droit dans les yeux, pour toi c'est pas un problème. Aïe aïe aïe, c'est extrait de l'album Aïe aïe aïe, l'album de Cindy qui sera dans selfie, les bacs. Ouais, vendredi, selfie, donc il est arrivé à l'instant même. Monsieur, tu vois, on a été mauvaise ongles, on disait ouais, il est en retard, machin. Mais j'étais à l'heure en plus. Mais alors qu'il était à l'heure. J'étais à l'heure, mais j'étais à mon heure. Voilà. J'étais à c'est mon ça. Heure. Mais je suis content d'être là en tout cas. Moi, je suis content de te revoir aussi. Bah, j'aurais raté ça pour rien au monde. C'est un album sur lequel la petite, elle a travaillé comme une folle. C'est surtout une histoire incroyable. Un truc de fou. Est-ce que tu aurais imaginé quand tu l'as découverte à la télé là, sur Popstar, est-ce que tu aurais imaginé qu'elle aurait pu faire un album? Bon, déjà, l'aventure Team BS. Bien sûr. Parce que ça a été important. Elle nous l'a dit même sur la scène, sur la façon d'appréhender la scène. Et puis donc maintenant, cet album Selfie. Comment toi, tu as vu cette évolution en fait? Moi, la première fois que je l'ai vu chanter, elle m'a donné les frissons. J'ai vu, elle dégage une certaine. Il y a une timidité Il y a une timidité, il y a une certaine timidité qu'elle a su justement, elle a su passer outre cette timidité et puis laisser éclore justement cette belle artiste qui était en elle. Et là aujourd'hui, cet album, il prouve justement que Cindy a fait vraiment partie des artistes sur qui il va falloir compter demain. C'est un album qui a été fait avec tout son cœur, toute son âme. Elle s'est vraiment pris la tête. Et moi, j'étais même pas derrière en studio ou quoi. C'était j'ai demandé exclu. T'avais quel rôle dessus J'étais exclu. C'était son imagination, son interprétation, sa vision d'un album. Elle nous a juste raconté qu'à un moment t'es passé et t'as dit je veux poser là-dessus. Ouais. Et voilà, exactement. Exactement. C'est comme ça que ça s'est passé. Exactement. Des fois, je passais, je disais ouais, ça c'est bien, ça c'est cool, ça ouais. Mais il n'y avait pas réellement de conseils parce que je voulais vraiment qu'elle puisse extérioriser certaines choses parce qu'elle en avait gros sur la patate, la petite, quand je l'ai rencontrée. Aujourd'hui, elle arrive avec un album de malade qui arrive vendredi dans les bacs. Et je vous conseille à tous d'aller acheter Selfie si vous ne savez pas, ou encore le télécharger tout de suite en précommande, en téléchargement sur iTunes. Il va être dans toutes les grandes surfaces. La machine est en route. Vendredi. Merci, Léonie. Vendredi. Et n'oubliez pas de tweeter avec le hashtag Cindy sur Skyrock. Parce qu'après, je vais vous follow, peut-être. Peut-être. Mais normalement, oui. Quelle image tu te souviens, la toute première image de Cindy, toi, c'est quoi? C'est évidemment l'émission télé. Ouais, tu la vois débarquer. C'est l'émission télé. Et la première image, c'est l'émission télé et ses grands-parents aussi. Voilà, c'est vrai. Je fais un gros bisou. Je vous fais des gros bisous parce que je sais qu'ils nous regardent. Ouais. Je fais aussi un gros bisou à une personne qui se reconnaîtra, que tu connais aussi. Et voilà. Et en tout cas, voilà, je me rappelle de ses grands-parents, papy et mamie. C'est vrai. Ouais, ils sont là, ils sont adorables. Je leur fais un gros bisou et dommage qu'ils ne soient pas là. Et toi, la première image que tu as de la Foune quand tu le rencontres, bon, tu connaissais évidemment le mec les. Il est super grand, quoi. Quand je l'ai vu. Tu connaissais les sons, Que je me suis arrêtée, j'ai fait, mais attends, mais. Genre, c'est normal ça existe. Il est super. Je me rappelle, la première fois qu'elle m'a vu, elle a fait la bise à mes genoux. Comme ça, un coup de genou sur la joue. C'est pour ça que tu mets des talonnettes maintenant. C'est ça, voilà, j'ai obligé. Non, mais tu sais que quand les gens me rencontrent, ils me disent, ah ouais, mais t'es grande en fait. Parce que quand je pose à côté de lui, je parie. En fait, c'est lui qui est grand. C'est vrai. C'est vrai, bon, nous on le connaît maintenant, voilà, on voit. Voilà. Donc toi, c'est la première image en fait. La première image, c'est sa taille qui m'a choquée. Et après, quand j'ai chanté devant lui, je n'osais même pas le regarder, le mec. Tu vois, j'étais trop stressée, je regardais partout sauf les jurés. C'était quoi la chanson là? C'était « J'envoie valser » de Zazie. Et là, tout de suite. J'envoie des kisses, donne des bisous dans le cou. C'est beau, mais quand même, ce ne sont que des cailloux. Des pierres qui vous roulent, qui vous coulent sur les joues. J'aime mieux quand tu m'aimes sans tes pensées dessous. Moi, je m'en moque, j'envoie valser les trucs en toc, les cages dorées. Toi, quand tu me sers si fort, c'est comme un trésor. Et ça vaut de l'or. Voilà, j'avais fait ça, exactement. C'était très bon. Tu continuerais quand même là, si on faisait l'émission, tu dirais. Ouais, je la prendrais, je pense qu'elle direct. Continuerait l'aventure. Elle continuerait l'aventure ou pas? Avec Momo. C'est que je l'avais pas rechanté depuis aussi. Bon, le Planet Rap avec. On va mettre peut-être votre morceau ensemble. C'est parti, ouais. On fera le live d'ailleurs tout à l'heure. Ouais. Allez, on s'en va. On balance une fois extra de l'album Selfie. Avec plaisir. Et après, on verra. Je ferai un petit quiz tous les deux, savoir si vous connaissez vraiment bien. Ok, d'accord. Pas de soucis. C'est juste après. Tu dis qu'on rêve, mais ça vaut la peine. Tu dis qu'on rêve, mais ça vaut la peine. J'ai tout ça tatoué. La vie m'a rien donné, mais j'ai su pardonner sans jamais me lamenter. Yeah. On peut décrocher la lune, l'impossible est plus encore. Même si je dis sans rancune, j'envoie tout dans le décor. J'ai pas peur de blesser mon présent, mon passé. J'ai tout ça tatoué. Yeah. La vie m'a rien donné, mais j'ai su pardonner sans jamais me lamenter. Yeah. Tant de choses à l'intérieur que pigeonnier du quartier jusqu'à ce que le rap me délivre. Donner avec le cœur, on n'apprend pas ça dans les livres. Avec passion, chante ma génération. On finira tous aveugles avec la loi du talion. Silencieux, j'entends mes sœurs qui prient encore. Car dehors, on t'accuse, accuse à tort. Ici, l'espoir vaut de l'or. Quand l'échec est mis à mise à mort. Mise à mort. À l'instant, ce morceau avec La Fouine qui est présent aussi hein, sur ton album. Oui. Évidemment, bah, c'est le seul featuring. Voilà, ouais, de... Parce qu'à la base, j'en voulais pas, comme j'expliquais hier. Mais quand il m'a dit qu'il avait vraiment kiffé le morceau. Il est en mode gratteur. Attends, t'entends ouais, pas. T'es pas dans le bon micro. On a gratté. Bah, si, c'est bon. Voilà, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Il est venu, il a gratté. J'ai dit, bon, allez. D'accord. Bon, les albums, ils sortent le vendredi maintenant. Maintenant, ouais, c'est le vendredi. Bah, ouais. C'est à l'inaugure. Elle inaugure ça. Elle les inaugure sorties. Les albums. Bah, le toi, vendredi. Ton prochain album, ce sera un vendredi aussi. Ouais, c'est cool. Et c'est vendredi quand, non? C'est encore mieux. Ce sera, bah moi, mon prochain album. Mec, sera... essaye de gratter un petit peu dans. Je suis désolé, Cindy. Pas de soucis. Ouais, on est en train de parler de l'album de Cindy, mais en tout cas, je suis en studio en train juste de s'affaire. Comme ça. Juste. On va dire que je vais peut-être balancer un premier single en septembre. Voilà. Ah. Voilà. Premier extrait officiel du nouvel album. Voilà, sûrement. Un album qui sortira donc un vendredi. Un vendredi, mais bon, on n'est pas en train de parler de cet album-là. On est en train de parler de l'album de Cindy, qui est l'album de Cindy. Après, j'arrête. D'accord, bon. Il s'appellera comment cet album qui sortira un vendredi? Bon, l'album, j'ai déjà décidé du nom, mais il est trop tôt pour le dire. Ah. Et cet album, il arriverait sûrement en janvier. Voilà. Donc 2016. Voilà. Pour bien attaquer 2016. L'année 2016. Parce que là, je suis en studio d'arrache-pied, il est presque fini. T'y étais, Sylvie? Non, il m'a même pas invité. Tu sais quoi, personne n'a jamais écouté, rien du tout. Personne n'a rien écouté. Mais t'es tout seul. En fait, t'es tout seul dans le studio. Alors là, je suis en train de faire un truc de malade. Bon, janvier 2016, nouvel album pour La Fouinée, premier extrait au mois de septembre. Exactement. Bon, voilà, en effet. Revenons donc sur le projet. Et vendredi, Revenons à nos selfies. Vendredi, mon album sort, donc allez-vous le procurer. De toute manière, vous n'avez pas le droit de partir en vacances sans, parce que sinon, ça porte malheur. Voilà. Mais ça me ferait plaisir, donc allez l'acheter. Rappelle le petit jeu aussi que tu as lancé. Oui, exactement. Tiens, La Fouine qui va peut-être en faire un aussi, qui va jouer aussi. Moi, j'aime bien les jeux. Si tu veux participer, il y a un concours que j'ai organisé, qu'on a organisé avec Skyrock. Donc, tous les fans là, qui m'écoutent, tous les gens qui m'écoutent, je vous invite à envoyer vos snaps au snap @skyrock_du_bas. FM. Mmh. Donc vous envoyez vos snaps, vos selfies, enfin des selfies, les plus originaux seront sélectionnés vendredi et vous gagnerez un album dédicacé évidemment par c'est moi. Mortel, ça. C'est bien. Donc c'est voilà, n'hésitez pas et continuez à tweeter sur #Cindy sur Skyrock et voilà. Bon, qu'est-ce que tu sens en voyant Cindy La Fouine? Quel avenir tu lui prédis dans la musique? Elle est très pressée de sortir cet album. Ah ouais, parce qu'elle a mis toute son âme dedans. Ouais. Elle est vraiment pressée de montrer à la France l'étendue de son talent, au monde. T'étais comme ça aussi, toi, pour ton premier album, le tout premier qui était sorti? Je me rappelle, je suis toujours comme ça, moi, pour tous mes albums. Je suis trop pressé parce que, l'air de rien, les gens ne s'en rendent pas compte. Mais un album, c'est énormément de travail, énormément de sacrifices, de nuits en studio, de stress, de remise en question. C'est plus que de poser sa voix sur un disque. Ça va beaucoup plus loin que ça. Ça empiète sur sa vie familiale, sur la vie de tous les jours. Ça peut même user de ta santé. Et donc, t'es trop pressé de enfin pouvoir accoucher de cet album. Toi, t'as eu ça aussi, pareil? Non, mais bien sûr. Bien des moments, donc plein de doutes. Beaucoup, énormément de doutes. Déjà, je suis une personne très stressée et assez timide dans la vie, donc forcément des doutes. Et même, moi, j'habite pas à Paris encore. Donc, tu vois, j'étais loin de mes proches à chaque fois que je travaillais. Donc, il y a des soirs où c'est moins facile que d'autres, surtout quand il fait pas beau, que ta journée a pas été spécialement productive, parce que c'est pas tous les jours que tu fais un morceau. Il y a des jours où t'es là, mais t'as pas d'idée, tu vois ce que je veux dire. Et voilà, après, je pense que j'en retiens vraiment que le positif. Je pourrais pas te dire une journée où vraiment j'étais pas bien. Il y en a eu, je sais qu'il y a eu des moments difficiles, mais voilà, c'est ça aussi notre travail, tu vois. Ça fait partie des sacrifices. Et bah, le sacrifice, dans un instant, à découvrir un morceau. Oui, un nouveau morceau. Un inédit, oui. T'as réfléchi? J'ai trouvé, mais c'était déjà prévu. Tu n'étais juste pas au courant. Non, mais il est marqué à définir. Je vais vous présenter donc à définir mon nouveau. Non, je rigole. Ouais, c'est ça, on fait un nouveau titre inédit. Je vais faire des blagues, nouveau titre inédit à définir. Donc voilà, je vais vous faire écouter Je m'en fous, qui est un titre. C'est très sympa ça. Qui est un titre de mon album. Donc Selfie qui sortira vendredi. Je vous laisse le découvrir. C'est une prod de Scalp. Ça arrive dans un instant. Et puis je vous ai dit un petit jeu qu'on va faire ensemble avec vous deux. C'est parti. C'est juste après ça. Allez, go. Skyrock reçoit Cindy pendant une heure complète ce soir. Planet Rap. Planet Rap Cindy. C'est Cindy, notre invitée toute la semaine. L'album sort vendredi 10 juillet. Exactement. C'est Selfie dans les bacs. Hashtag Cindy sur Skyrock. La fouine nous a rejoint, il est là aussi. Exactement, il est là. On peut saluer Glenn Smith qui est là aussi. Glenn Smith qui est à côté de nous. Un mec d'image, hein. Et puis tous ceux qui sont autour. Et bah, tous ceux qui sont là, tous ceux qui t'entourent en effet. Est-ce que tu connais bien La Fouine? Est-ce que tu... Je pense que tu oui. Je pense que tu connais. Enfin, je le connais. Je sais pas. Laouni, est-ce que tu connais bien Cindy? Bah oui, je la connais. Donc je vais poser des questions, c'est un petit peu, tu sais, comme le truc les amours. Tu vois, tu poses une question, c'est un mélange de tout en fait. D'accord. C'est un mélange de plein d'émissions, de plein de trucs. Oui. Par exemple, si tu te demandes quel est le plat préféré de Laouni? Le mafé. Commencer par la bouffe. Je dirais le mafé. Tu confirmes? Non, ça doit être le tagine. Ah merde. Ou un truc comme ça. Donc, premier voilà, tagine. Tagine. Poulet, olive. Tagine, ouais. Poulet, ouais. Tout, tagine. Bah, même question pour toi, quel est le plat préféré de Cindy? Le plat préféré de Cindy? Bah si, je le connais. Elle aime les Grecs. C'est le McDo, mais c'est pareil, la junk food. Ouais, c'est oui, c'est. Après, en vrai c'est plat, la junk food. Ou un tagine aussi. Elle aime les choses, tu vois? Massif. Sushi, tout ça. Moi, quand je suis à Paris, je mange mais n'importe quoi. Bon, on va dire que là, c'est équilibré bien, donc c'est bon. Là, ça va. Là, tu non, gamin, va. Tu veux dire que bon, le sale ne te fait pas manger. C'est ça que tu essayes de dire. Non, gamin, elle mange à sa faim. Si je te dis son occupation préférée du samedi soir, c'est quoi? Regarder la télé. À quelle heure? Quel film? Quel genre de truc? Empire, sérieux? Ah, voilà. C'est des séries, le samedi soir. Et Empire qui est vraiment une putain de série. Apparemment, c'est une bête de série. Tu l'as pas vu encore? Non, je suis sur Orange is the New Black. Arrive, je crois, sur W9 là prochainement. Toi aussi? Trop bien. Enfin bref, Empire, c'est un petit peu. Bah, alors, c'est l'histoire un peu de dans le hip hop. Moins nous, mais ça reste de la musique. C'est vachement bien. On connaît. Empire, c'est un truc incroyable. Toi, tu dirais quoi le samedi soir, son occupation préférée? Alors, le samedi soir. Qu'est-ce qu'elle peut faire Cindy le samedi soir? Samedi soir, à mon avis, elle est devant son ordi, la webcam allumée, et puis elle chante des trucs de Beyoncé. Non, je fais plus ça. Franchement, je fais plus et je fais depuis mon iPhone. Tu dis samedi soir, c'est quoi? C'est le samedi soir, quand je suis chez moi, je vois mes amis. Voilà. C'est soirée. Voilà, sortie entre soirée potes. Voilà. C'est ce que je disais. Voilà, ouais, c'est ouais. Soirée amie, toi, c'est soirée. soirée série. Sa ville de naissance? Ah. C'est super facile. Non, attends, je sais parce qu'il l'a dit. Attends. Aïe, tu vas pas chuter sur cette question, Cindy. Super facile, je suis né à Boulogne. Bah, attrape. Non, bah oui. Je suis sérieuse. Tu sais que je cherchais un truc au Maroc. Laisse tomber, mais non, je suis super chier comme nana. Il a ses papiers, rassure-toi. Il les a obtenus. Je voulais me marier avec toi pour avoir mes papiers. Je suis teubée. Mais ça marche pas. Et toi, sa ville de naissance? Sa ville de naissance, bah, je crois que c'est Royan. Non. Alors, cherche un peu. Attends, regarde, il y a sa souffle. Bordeaux. Non. Ça s'ouvre derrière. Alors attends, deux secondes. Paris. Alors attends. Non. Non, elle est pas née. Ça commence par un P. Elle est pas née à Paris. Il y a un accent là-bas. Perpignan. Ah, exactement. Perpignan, Momo, bravo. Ouais, Perpignan. Momo, il connaît toute la vie de Cindy. Ah, oui. Momo, c'est journée sur Cindy officielle, quoi. Ça doit être ça, ouais. J'ai bien joué. Alors, sa destination préférée pour les vacances? Le Maroc ou Miami, mais je pense que c'est plus le Maroc. Les deux, les deux. C'est bien. C'est un coma. Et pour soit Cindy? Soit c'est marocain, soit c'est américain. Et pour Cindy, à ton avis? C'est shit. Et pour elle? Cindy, sa destination préférée en vacances, en ce moment, c'était le studio de Scalp. sinon, c'est Royan. Ces derniers temps, c'était le studio de Scalp. Non, je pense que là, elle est encore jeune pour parler de vacances. Là, il faut qu'elle travaille dur. Dit-il. Après, bah oui, là, il faut qu'elle travaille dur là, pour pas parler de vacances. Là, non, je pense, je sais pas, Paris. Bah, bien sûr. Bah oui, voilà. Elle est née un peu à Perpignan. Bah oui, c'est bien. Elle a grandi. Moi, quand j'ai à Paris, c'est un truc de ouf. C'est le chemin logique. C'est le chemin logique. Il y a plein de baskets. Bon, attention, avant dernière question. Allez. Celle-ci, elle est très dure, elle est très pointue. Son nombre d'ex. Oh là. Je sais même pas si ça se compte, quoi. Je sais pas. J'en sais rien du tout. Entre 1 et entre 2000. 1 et... C'est 2500. Non, gamin, déjà, je sors d'un sex shop, là. Il y en a plein autour de Skyrock. Toi-même, tu sais ou pas? Alors, attends, mon Dex. Oui, bah oui. Exhibit, gros. Voilà. Exhibit, gros. Et alors, pour elle, à ton avis, pour Cindy? Cindy, elle a pas beaucoup de garçons. Hein. Elle, Cindy, elle a... Non, mais c'est vrai. Elle a pas eu beaucoup. Cindy, elle collectionne pas les garçons. Elle a eu quelques amoureux. Quelques amoureux, très bien. Elle a eu quelques amoureux. Tu peux compter que sur les doigts de la main de Jamel Debbouze. Voilà, bah c'est ça, en fait, c'est le juste milieu. Ouais. Et on finit sur la dernière, évidemment. Allez. Son préféré. C'est pas un son, c'est un album et c'est le mien. Très bien. C'est vrai, c'est Selfie. C'est Selfie. C'est mon album préféré, je suis obligé de l'écouter tout le temps. Et surtout la chanson qu'on va s'écouter là tout de suite. Et bah qu'est-ce qu'on écoute alors? À définir. À définir. Non, on écoute Je m'en fous, donc c'est je m'en fous. Mon album voilà, qui sort vendredi. Si qui sort vendredi, et bah on écoute ce morceau et puis après il y a le freestyle par téléphone et il y aura du live aussi. Attendez, avant d'envoyer le son, envoyez tous vos messages, 41Sky, 41759, dites-nous ce que vous pensez de ce morceau, dites-nous ce que vous faites, dites-nous ce que vous glandez. On est là, on veut tout savoir, on voit tous vos messages, envoyez vos photos, 41Sky, 41759, c'est le Planète Rap Cindy sur Twitter, hashtag Planète Rap Cindy sur Skyrock. Exactement. Allez, c'est parti. L'album arrive vendredi. Ce n'est pas quand tout est beau que l'amour se teste. T'as toujours besoin de faire le show, surveille tes mots et tes gestes. Tu peux garder tes mots, il sonne faux, un peu comme le reste. J'ai pardonné, mais je veux plus supporter. Notre histoire aujourd'hui n'est plus qu'une parodie, puisqu'on s'est tout dit. Sourire. J'ai le cœur rempli de flammes, je vais pas courir, pleurer ou faire un drame. L'album c'est vendredi, la famille. Hashtag Cindy sur Skyrock, on compte sur vous. Ceux qui font sourire sont souvent ceux qui disent je t'aime. T'as voulu jouer, tu récoltes ce que tu sèmes. Je sais que derrière mon dos, t'as les yeux qui traînent. Tu peux remballer tes cadeaux, t'as flûté tous tes poèmes. Et tu dis que tu m'as dans la peau, ça sonne faux, ce soir la coupe est pleine. T'as pas su ravaler ton ego, tu sais. Il vaut mieux qu'on se laisse. Histoire aujourd'hui n'est plus qu'une parodie, puisqu'on s'est tout dit. Selfie vendredi dans les bacs. Je vais pas courir, pleurer ou faire un bras. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Ceux qui vont sourire sont souvent ceux qui disent je t'aime. T'as voulu jouer, tu récoltes ce que tu sèmes. Selfie disponible vendredi, on compte sur vous. Continuez à tweeter, on vous aime fort et voilà. Donc c'est je m'en fous et. Mais en vrai, je m'en fous pas. Ceux qui font sourire sont non, gamin, l'album c'est comme une date et un verre de lait. C'est doux. Tu récoltes ce que tu sèmes. Pourquoi me sourire? L'album est lourd, la famille Cindy sur Skyrock. Les garçons, vous voilez pour vous cette chanson. Ceux qui font sourire sont souvent ceux qui disent je t'aime. T'as voulu jouer, tu récoltes ce que tu sèmes. Ceux qui font sourire sont souvent ceux qui t'as voulu jouer, tu récoltes ce que tu sèmes. Je m'en fous, à l'instant, c'est extrait de l'album. L'album c'est est ça. Lourd. Je vous ai dit, l'album, c'est comme une date et un verre de lait. C'est doux. C'est doux. Il se savoure, gros. C'est un album qui savoure, gros. Il s'appelle Selfie vendredi. Selfie. Vendredi. Selfie. Il débarque dans les bacs. Et en précommande aussi maintenant, en précommande, on peut y aller. Ouais, hein. Disponible. Vous pouvez y aller tout de suite si vous voulez. Le lien est sur mon Twitter, sur mon Insta et logiquement sur mon Facebook. On a eu quelques petits problèmes d'ailleurs, je voulais en parler. Logiquement, tout revient, tout va revenir à la normale. Voilà, on ah oui, t'as été piraté, j'ai vu que tu avais balancé ouais, on un truc. Ouais, mais c'est récupéré, on est en train de remettre les choses en place. Non, c'est des choses qui arrivent. Quand tu commences à te faire pirater, c'est que tu deviens lourd. C'est bon signe, j'ai envie de dire. Ça reste bon signe, mais à une semaine de l'album, c'est un peu dur. Mais ça va. C'est comme les mecs qui ont pas des Rolex à 50 piges, quoi. Ils ont loupé leur vie. Non, gamin, si t'es artiste ça. Et que t'es pas piraté, t'as loupé ta vie, quoi. C'est ça. Hein, ah oui. C'est-à-dire que t'es pas lourd. On pirate que les lourds. Mais non, c'est gamin, ça. Ils ont piraté le lourd du lourd. Donc ça sort vendredi à pas louper. Cindy, notre invitée par téléphone, je vous présente d'Instinct de Toulouse. Salut. Comment ça va? Big up. Ça va au calme? Eh ben écoute, bienvenue, bienvenue. Ça dans va, Planète Rap. Ouais, je te ouais, présente Cindy. La Fouine qui est là aussi, notre invitée. La Fouine. Et toi, big up à tout le monde. Qui vient rapper dans l'émission? C'est parti, on y va. Allez, c'est parti. 1-1, Toulouse 31, c'est d'instinct. Pardon, GG. 1-1, d'instinct. Ça fait un bail que c'est la crise, fils. Je paye mes tennis avec l'argent du cannabis. Étant donné que je vis dans le vice, ils disent qu'on récolte que l'on sème, mais ils sont dupes. Et moi, quand je plante un pied de bœuf, c'est dans l'espoir qu'on côté du blé, la vie fait chuter. Moi, j'ai pas de situation. Dans le rap, je fais un carton, toi t'en prends pour simulation. J'ai pas de chéquier, pas de CB. La douleur passe avec des connes, y'a rien de drôle quand je me soigne avec OCB. Je me bute aux 40 degrés, pas au périllé. Je connais plus de deux-traits que de guerriers. Je suis ce cheval sur lequel il fallait parier. T'as plus d'une flèche à ton arc, j'ai plus d'une balle dans mon parier. Jusqu'à là, j'ai fait des choix, c'était pas les bons. Mais je me fais la promesse de péter le score, pas les plombs. Je le fais bien pour les miens, c'est d'instinct et la Haute-Garonne. C'est pour ceux qui, comme moi, voient la rue comme une daronne. Ouais, tu m'as dit pas comment j'en ai bavé. Les règles, j'ai dû les entraver. Peu de principe quand t'es sur le pavé. C'est ce que dans ma tête, j'ai dû graver. Là, je m'étire, n'arrête pas d'empiéter. En créature, ils viennent enquêter. J'ai la haine, j'arrête pas de répéter. Ce matin, c'est le grand frère qui vont baiser depuis. Tout le monde est traqué. Les bacs veulent nous matraquer. Ils offrent pour nous braquer. Ils te poussent à prendre l'armée braquée. Hors de question de se ranger. C'est le crime qu'on vient engranger. Donc, ils sont pas le bord de plancher. Pied au plancher, cinquième en plancher. 7 sur 7 sur le terrain. Que la rue nous parle, on est sur d'elle. Je me dois anticiper les traits. Je peux pas rester là, attendre qu'une balle me surprenne. Yeah, yeah. Yeah, d'instinct, d'instinct. Ok. Bien en freestyle, hein. Bravo d'instinct. Yeah, yeah. Ah ouais, d'instinct. Ouais, c'était d'instinct. Skyrock freestyle, c'est maintenant ou jamais. Si j'ai de la veine, j'attends pas qu'elle taille. Ok. Si, on si. Peut te retrouver où d'instinct Alors, d'instinct sur YouTube, page Facebook. Alors, ça s'écrit D1, le chiffre 1, ST1. ST1, ok. Voilà, et mon crew, c'est la zone mixte. Okay. Voilà. D'instinct, D1, ST1 avec le chiffre en fait, voilà. Et ben on ira suivre tout ça du côté voilà, de Toulouse. Page, voilà, il y a le clip qui est sorti sous-estimé le week-end dernier. Ce soir, un nouveau clip qui arrive. Dans un mois, encore un autre, il y a plein d'actualités. J'ai la dalle, j'arrive en force. Big up à tout le monde. Mon crew, c'est Zone Mix, ZONEMXT. Big up à Toulouse, tous les gars que je connais, tous les quartiers, tous les galériens, tous les vrais, big up. Et voilà. Merci à toi d'instinct. Merci beaucoup. Merci Skyrock, c'est d'instinct. D1, ST1. On a retenu d'instinct. Merci au freestyle l'instant sur Skyrock entre 20 et 21. Bravo aussi aux nombreux supporters, supportrices, puisque nous sommes en tété. Et oui, depuis un petit moment maintenant, depuis une petite vingtaine de minutes. Hier, on était tété en Belgique. Hier, ouais, top 8 en Belgique. Il y avait un truc qui se passait en Belgique hier. C'est hein. ça, c'est ça. Il y avait un ça. Vrai truc qui se passait en Belgique. Et ce soir, alors et là, ce soir, c'est la France. Donc voilà, le monde entier. La France, donc, voilà. Derrière Cindy avec le hashtag Cindy sur c'est Skyrock. Ça. Vous balancez vos messages. N'hésitez pas, voilà. Et l'album sort vendredi, il est disponible en précommande, il s'appelle Selfie. Et voilà. Est-ce qu'on est prêt pour le live maintenant? Allez, c'est parti. Allez, let's go. T'es prêt? Ouais, je suis toujours prêt, gros. Et bah, c'est parti. Maintenant, Cindy et la Fouine en live dans l'émission. Pour le Planète Rap, Selfie. Tu dis qu'on rêve, rêve, mais ça vaut la peine. Eh, eh, eh, tu dis qu'on rêve, rêve, mais ça vaut la peine. Yeah, Cindy. N'oubliez pas que l'album sort vendredi. Yeah. Eh, eh, tu dis qu'on rêve, rêve, mais ça vaut la peine. Eh, eh, eh, tu dis qu'on rêve, rêve, mais ça vaut la peine. Eh, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. Eh, mi amor. Cindy, vendredi dans les bacs. Let's go. J'ai dans mon jardin secret des larmes et des épines. Je connais le parfum des regrets. Les jours où je m'incline, tu dis qu'il vaut mieux se taire quand personne ne veut t'écouter. Tu dis qu'il vaut mieux se taire, mais parfois faut crier. J'ai pas peur d'être blessé, mon présent, mon passé, j'ai tout ça tatoué. Yeah, la vie m'a rien donné, mais j'ai su pardonner sans jamais me lamenter. Yeah, on peut décrocher la lune, l'impossible est plus encore. Mais si je dis sans rancune, j'envoie tout dans le décor. J'ai pas peur d'être blessé, mon présent, mon passé, j'ai tout ça tatoué. Yeah, la vie m'a rien donné, mais j'ai su pardonner sans jamais me lamenter. Yeah, yeah. Tant de choses à l'intérieur, Cindy, que je n'ai pas su montrer. Dealer. Un jour tu ris, un jour t'as peur. Yeah. J'apprends à surmonter. La vie, elle, a tout pour pour plaire. Si t'avances sans laisser tomber, moi aussi je connais la galère, mais je vais pas succomber. Eh eh, tu dis qu'on rêve, rêve, mais ça vaut la peine. Eh eh eh, tu dis qu'on rêve, rêve, mais ça vaut la peine. On peut décrocher la lune, l'impossible est plus encore. Même si je dis sans rancune, j'envoie tout dans le décor. Ouh, j'ai pas peur d'être blessé, mon présent, mon passé, j'ai tout ça tatoué. Yeah, la vie m'a rien donné, mais j'ai su pardonner sans jamais me lamenter. Yeah, prisonnier du quartier jusqu'à ce que le rap me délivre. Donné avec le cœur, on n'apprend pas ça dans les livres. Avec passion, chante ma génération. On finira tous aveugles avec la loi du talion. Prisonnier, j'entends des frères qui prient encore. Yeah. Car dehors, on s'accuse, accuse à tort. Si l'espoir vaut de l'or, quand l'échec est mis à mise à mort. Cindy, dis-le. N'oubliez pas, l'album est disponible vendredi, il sort le 10 et voilà. Cindy sur Skyrock. Yeah, selfie, Cindy, vendredi, l'album selfie, Cindy, vendredi, lavage de cerveau, fouini. Cindy, selfie, vendredi, lavage de cerveau, fouini. Cindy, selfie, vendredi. Oh, c'est sympathique ça, disons. À l'instant en live, bravo. Merci. Ah, t'as Romano qui nous envoie une photo. Non, c'est Lou qui nous a envoyé une photo. Merci Lou pour cette jolie photo. Merci beaucoup. Qui accompagnait très bien le morceau. Merci bien. À l'instant, merci, bravo Cindy. Donc, morceau en live avec la fouine. Et oui, à l'instant. C'était sans rancune. Sans rancune qu'on retrouve sur l'album, oui, évidemment. Qui est déjà, vous pouvez l'acheter maintenant. Ah, si aller, ce n'est pas encore fait, on peut aller cliquer. Voilà, comme S'envoler qui est disponible depuis hier également, et l'album qui sort vendredi. D'ailleurs, je remets très bien d'ailleurs S'envoler pour conclure. Tu veux qu'on le remette? Ouais, ce serait bien, non? C'est parti carrément, il n'y a pas de souci, on se remet S'envoler. C'est un extrait de l'album qui sort donc vendredi, Selfie, l'album de Cindy. Allez, go! Passé ressurgit et tous ses démons lui reviennent. Ils ont brûlé ses chances au lieu de prendre soin d'elle. Elle aimerait se dire que ça passera. Et parfois, petite, elle se revoit. Elle aimerait se dire que ça passera. Être libre. À l'instant, un extrait de l'album Selfie de Cindy s'envolait sur Skyrock entre 20 et 21 dans Planète Rap. Et ce mot. Oui, là, on est en direct à la radio. Oui. Voilà, on est de retour en direct. Non, gamin, je discutais avec un gros. Ouais, il est là dans le studio. Comme beaucoup de monde d'ailleurs qui sont venus soutenir Cindy. Et cet album, donc, qui sort vendredi 10 juillet, sorti de l'album. Elle est trop mignonne. Qu'est-ce qu'il y a? Tu montes tes tatouages maintenant? Non, c'est qu'en fait, j'ai senti une petite main faire ça comme ça là. Ah! Bah montre-le à tout le monde maintenant, le tatouage, c'est quoi? C'est un nouveau ça? Non, oui, enfin je l'ai depuis un an maintenant. C'est Romaric? C'est quoi? C'est vrai que ça me rappelle quelqu'un. C'est vrai, c'est comme ça. C'est une chouette? Quoi. C'est un hibou? Ouais, c'est un hibou. C'est un hibou. Ma grand-mère, elle les collectionne et du coup voilà, c'est pour. Mais vivant pour ou mort? Non, mort. Non, je rigole. Non, mais c'est des figurines en fait. Enfin, ah oui, des collectionne tout ce qui est en rapport avec les hiboux, quoi. Hiboux, genoux, cailloux. Ouais. Je me suis dit, mamie, elle collectionne les hiboux à la maison, comme oui, ça, oui, c'est tout en rang, comme ça. Elle les met dans des petites boîtes. Dans des petites boîtes, tranquilles. Ah, donc oui, donc c'est un lien. Ouais, voilà. Il est là. J'ai fait celui-là aussi, que j'avais fait à Miami. Et bref, un dans le coup. Ah, je m'en rappelle quand t'as fait celui à Miami. Ouais. C'était cool. Ah, en tout cas, enfin, c'était bref, cool. Du coup, hein. Mon album est toujours disponible. Oui, après cette petite session et cette petite chronique sur le tatouage. Exactement. Nous allons pouvoir rappeler que l'album en effet est disponible et qu'il y a toujours un jeu concours dans le club. Toujours, principe, il est toujours. Simple. Envoyez vos selfies toujours au snap de Skyrock, donc @skyrock-du-bas FM. Donc vous envoyez vos selfies les plus ouf et à la fin de la semaine, je tire au sort et on choisit 5 ou plus. 5 personnes si ou affinité. Plus, comme je dis, si affinité. Et vous remportez l'album dédicacé. Je veux des selfies originaux et voilà, on vous regarde. On compte sur vous. Bon, merci d'être passé en tout cas à la fouine ce soir dans l'émission. Ça m'a fait plaisir. Qu'est-ce que cool, tu as envie de dire à Cindy que tu ne l'as pas encore dit? J'ai envie déjà de faire un gros big up à tous les fans de Cindy parce qu'elle a énormément de fans sur tous les réseaux sociaux. Ouais. Merci pour ce soir, vous personnes, étiez particulièrement voilà, là en plus. C'est des personnes qui l'aiment beaucoup et ils ont raison parce qu'elle est comme ça dans la vie. Ce n'est pas qu'une image. Oui, est-ce que voilà, tu vois quelqu'un vraiment de différent en fait que dans voilà, la vie que tu côtoies? Bah c'est ça, je voulais dire à tous ces fans, c'est voilà, la personne qu'ils aiment, c'est réellement cette personne. Donc allez la soutenir dans les bacs vendredi. Et voilà quoi, je voulais féliciter Cindy parce merci que voilà beaucoup. Cet album, il est vraiment mortel, je suis vraiment content d'être venu. C'est pas moi. Ah si, c'est toi. Non, c'est pas moi. Si, c'est toi. Ah ouais. Et Hassol, ah ouais. Ouais. C'est Romaric. Non, je crois que c'était Jay-Z, mais je le rappelle après. Et voilà, donc je voulais la féliciter, c'est vraiment un album lourd. Le message que je voulais laisser s'adresse à tous ces fans, toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Allez acheter cet album vendredi, c'est un album de malade mental. Vous l'achetez, vous partez en vacances, vous kiffez, faites des bébés. Ah oui, carrément. Eh ben, un sacré programme pour cet si été. Avec en tout cas, voilà, comme je disais, vous ne partez pas en vacances sans, parce que sinon ce sera des mauvaises vacances. Voilà. Et non, sérieusement, merci beaucoup pour le soutien. Tiens, d'ailleurs, on va aussi saluer tous ceux parce qu'il y a eu les résultats du bac aujourd'hui. Oui, je voilà. Il y a un an, toi, tu devais dans un état. Dans un état pas possible. Là, il y a des mentions qui tombent ou pas, mais ou 80% pas. Et même de réussite. Pas, c'est pas grave, c'est très bien. C'est une... Je crois, hein, si je me trompe pas sur les chiffres, mais en tout cas, voilà, bravo. Voilà. Courage à ceux qui vont aller se taper le rattrapage. Tous ceux et puis qui ont un bac à lauréat, tous ceux qui ont un bac à sable, tous ceux qui ont un bac à l'eau. La fouine, c'est plutôt bac à sable, moi. J'ai le bac à lauréat. C'est pas... c'est je l'ai ça, dit en fait. Sur Twitter, j'ai le bac à lauréat. Avec voilà. Mensonge. Et bah, bravo et en tout cas à vous tous. Avant de se retrouver, on va faire quand même tourner rapidement la roulette. Ah oui, c'est vrai. Skyrock t'offre Black M et Big Flo et Oli aux arènes de Bayonne, plus tes 3 places de ciné, les profs 2. Salut Alexia. Oui, salut Fred, du côté tu vas de bien Vienne, tu connais Vienne, t'as déjà joué ou pas la fouine à Vienne? Les super arènes, les arènes de Vienne, là. Oh, magnifique. Ouais. Magnifique, vous connaissez pas les valses de Vienne, tu connais les valses de Vienne. C'est pas les mêmes, mais. Les valses de Vienne. Bon, Alexia, en forme, toi, t'as fait quoi? T'as eu des examens, tu bosses, tu étais en vacances? Ouais, je bosse et j'ai eu des examens. J'ai fait mes concours pour devenir éducatrice jeunes enfants et je les ai eu, donc je rentre en septembre en école à Clermont. Magnifique. Au mois de septembre, donc directement en plus pour aller éduquer, t'auras le nouveau son de la fouine qui sortira. Ouais, ce sera parfait. Là. La grande classe. La grande classe, Alexia. Ouais, je suis trop contente de vous avoir. Ça fait 8 ans que je vous écoute, là, je suis au top. Ah, cool. Magnifique, tu es prête à faire tourner, Alexis, on y va? Ouais, nickel. Essaye pas de dire stop, dis stop, un truc comme ça. Faut pas que ça dure plus de 2 secondes, sinon tu vas pas gagner. Je te le dis, c'est la technique pour Skyrock. Ok. Et la roulette qui va s'arrêter pour toi sur la carte. C'est sûr, elle a gagné. Je le sens. Et puis attention, elle a gagné 2 concerts, 23 juillet et 24 juillet aux arènes, mais cette fois-ci pas de Vienne, mais de Bayonne. Tu iras voir d'abord Big Flo, Oli. Et ensuite Black M le lendemain, c'est pour toi. Oh putain, au top. Et on te file en plus, tiens, un film, je crois que tu as validé récemment sur les réseaux sociaux. 3 invites pour aller voir L'Épreuve 2. L'Épreuve 2, c'est un film de malade. Tu l'as vu, Kevin? Écoute, c'est un film de malade. Moi, je l'ai vu, c'est avec mon pote en plus Kev Adams, qui ont fait un gros bisou. Et c'est un film de malade. Tu vas t'éclater. Va avec tes copines, avec tes copains. Tu vas kiffer. Vous allez passer un super moment. Ça va être très bien. On t'envoie les places de ciné rapidement pour L'Épreuve 2. Bon, bah super. Et je fais une petite dédicace aussi à mon chéri qui est en train de m'écouter, qui s'appelle Julien. Et ça fait bientôt 5 ans. Au top. Et à ma sœur, mes deux neveux. Comme par hasard, ça fait bizarre. Voilà. Ça marche. Ça fait quoi, 5 mois, 5 ans 5 ans, c'est pas ce que je me disais. 5 ans. Cinq années. Bientôt, ouais. Mais Alexia, oui, t'as rencontré à 12 ans. 19 ans, oui. Voilà, normal. Ah non. Bon, on te fait un bisou, en tout cas, passe une bonne soirée. Super, merci, ciao. Ciao, ciao. Merci, bisous. Cindy, merci, Lafouine. Merci à toi, puis à demain. Et bah demain, toi, tu reviens, Lafouine, toi, tu reviens pas demain. Moi, demain, je vous écoute. Très bien. Comme ça, vous dites pas de bêtises. Voilà. On va essayer. Et puis, si tu veux intervenir, tu nous passes un coup de fil quand tu veux. Avec plaisir. Si tu penses qu'il y a eu un problème sur un truc, hop, t'appelles. Ok. Ça marche. C'est bon. Et on t'attend donc septembre. Premier extrait de l'album qui sortira en janvier 2016. C'est une exclu, hein, je l'ai jamais dit en plus. Je sais. Ok, c'est bon, ça ferait de lui ça. Hein. Ils adorent. C'est trop tard maintenant. Tout le monde va être au courant. Si tu sors pas en septembre. Bien sûr, non, c'est cool. L'extrait arrive en tout cas. Exactement. L'extrait va être chaud. Ça va être un truc de malade. Merci Lafouine d'être passé. On va retrouver normalement Diffoul, mais je crois qu'il est bloqué quelque part dans Paris. Oui, bonjour Fredo. Hello. C'est Diffoul Futé au téléphone. Diffoul Futé, qu'est-ce qui se passe? Où es-tu? Oui, voilà, Marie qui hurle dans la voiture parce qu'on roule un peu de manière sportive. Ce soir. Ça va Cindy? Ça va très bien, merci. Salut Diffoul, je comprenne l'émission à ta place. Tu vois, on va commencer sans toi. On va vous laisser les rênes de l'émission jusqu'à la fin du mois d'août. Ça marche. Ah oui, carrément. Ça me parle pour la promo, c'est pratique. Ah non, c'est compliqué. C'est compliqué parce que déjà, si tu connais pas en foot. Déjà, il y a plein de guerres de foot, il y a plein de guerres de clans entre Momo, Cédric, le foot, tu te connais? Non. Un petit peu. Le FC Royan. Je sais pas si ça existe très sincèrement. C'est quoi ça? C'est du camembert. le FC Royan, vous connaissez pas? Non, ils sont forts, ils sont bons. Ça va? Ah ouais, mais tu sais quoi? Je explose tout, les mecs. J'ai du mal des footballeurs, c'est chaud de dire du mal d'un club. Hein, c'est ça, Momo me confirme. Momo, tu connais le FC Royan? Toi, t'es pour Marseille, toi, Momo, m'a dit. C'est un truc comme ça, ouais. C'est ça, ouais. J'ai peur. Il a basculé, il est Marseillais maintenant. T'es prêt à faire l'émission, à Lafouine, moi, je te dis. Bah là, on est prêt. Bah, je vais essayer d'imiter la voix de Romano. Moi, je suis Romano, toi, tu fais Diffoul, d'accord? J'ai appris qu'il y avait des disques pas chers à gagner. Hein? C'est ça, Cindy? Et toi, tu fais Marie. Bah oui, vas-y, fais Marie. En fait, je suis pas très doué pour les imitations, donc ça peut partir très, très vite en cacahuète. Lafouine non plus, je te rassure. Oui, mais si, je l'imite bien, Romano. C'est vrai qu'il y avait un truc qui était. Me boucher le nez. Ah ben là c'était trop marrant. Faut se boucher le nez. J'ai envie de te laisser tout seul là, tu vois. Ah ouais, non mais là je me tu dis amenez-moi un pack de 12. Amenez-moi un pack de 12. Voilà. Ah il y avait un truc. Fais un bisou Marie, je suis désolée. Non mais l'air de rien Romano, t'as une voix tellement dure à imiter en vrai. C'est vrai, mais pas facile. Il est inimitable, comme toi. C'est inimitable, irremplaçable, inimitable. C'est tout. Le grand, le fabuleux. Oui. L'exceptionnel Romano. Oh le grand bon, surtout. Oui. Je viens vous voir vendredi. Bah écoute, y a pas de souci, on sera là jusqu'à. Bah on est là jusqu'à vendredi. Toi bah, aussi, parfait, bah, je viens vous voir vendredi soir alors. Et l'album c'est dans les bacs vendredi. Vendredi, c'est pour ça. Juste un petit info route pour les Parisiens. Ne passez pas devant le Louvre parce que c'est bouché. Et bien sûr, comme d'habitude, les keufs ne préviennent pas, ce qui fait que tout le monde s'engage là et après ça bouge tout le monde. D'accord. Donc, voilà, c'est con quand t'as le musée là. C'est 22,5 à Paris actuellement. Et puis, si vous êtes ailleurs, n'hésitez pas à nous laisser des messages. On a besoin de savoir un petit peu ce qui se passe dans toute la France. Je ne savais pas qu'ils se lançaient dans la météo. Ah oui, c'est les nouvelles rubriques, les nouvelles chroniques. Oui, on a lancé des nouvelles chroniques pour, chroniques. Pour le mois de juillet, là, on en profite. Ah, c'est bon. À Montrose, dit full futé et. Dit full futé. Et voilà, il est full délia aussi. Voilà, bon, ben merci, Sylvie, on te fait un gros bisou. Ça la poignée, pareil. Ça, ça fait longtemps, je vous embrasse tous, la Marie, ben, Romano, tout le monde. Nous aussi, on t'embrasse. Dit full, ça fait longtemps. Ben, on t'attend encore plus loin. Si, si, la famille. Je viendrai à la rentrée pour faire découvrir le nouveau single du prochain album. Ouais, on a entendu ça, il sort en janvier, c'est ça? En janvier. L'album en janvier, le premier single, ça sera en septembre. Voilà, toujours avant sur Skyrock. Merci. Selfie est dans les bacs vendredi. Et eh ben, on n'oublie pas tout ça. Et puis demain aussi, hein, demain, n'oublie pas le Planète Rap, c'est à 20h. Exactement. Yes. Et à 20h, jusqu'à 21h. Avec une grande artiste, mais je n'en dis pas plus. La Fouine. Non, une grande artiste. La Fouina. Demain, c'est une grande artiste. La Fouinasse. Bon, on vous embrasse tous les deux. Bisous, bisous. Aussi. Ciao, ciao. Et on arrive dans un instant, vous pouvez nous appeler. Hein, 01 53 40 30 20. On écoute Jules. Avec Je tourne en rond. Et puis on arrive tout de suite après pour la grande radio libre de ce soir. Vous nous appelez, vous nous laissez vos messages, vous venez fêter votre échec au bac, votre réussite au bac, aux autres examens aussi, parce qu'on parle tout le temps du bac. Mais il y a des CAP, des BEP, des BTS qui sont tombés. C'est vrai. C'est ça. Fredo, tu as eu quoi comme examen? Rien. Il n'y a rien qui est tombé. Examen d'urine, il a fait. Voilà, c'est ça. Et ça, j'ai fait un carton. J'ai fait un carton là-dessus. Hein. Plusieurs fois. Moi, c'est solidaire, Fredo. Elle est bonne, celle-là. Je crois que le gobelet, il était foncé. J'ai dû repasser plusieurs fois, quoi. Bon, allez, on vous embrasse et à demain. Ciao, ciao. Et là, c'est parti, Radio Libre, on arrive tout de suite. Hein. Allez-y, appelez-nous, on va arriver en même temps que vous. Radio Libre, c'est parti, en direct, ok. Cette année, le Morning de Difool t'a encore carrément couvert de cadeaux.